إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فطر الله الخلق على الأنس بالآخرين فأرواح تتآلف وأخرى تتخالف كما ورد في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف حتى إن الناس ليعدون الرجل الانطوائي الذي لا يألف الناس رجلا غير سوي ولقد أوضحت السنة أنه لا خير في مثل هذا النوع كما أخرج الإمام أحمد من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف بل إن الانصراف عن الآخرين وعدم لين الجانب معهم وعدم التعرف على الجيران والزملاء في العمل يعد عند الناس من علامات الكبر عباد الله إذا تبين هذا علم أنه لا بد للمرء من صحبة وزمالة في هذه الحياة وهذه الصحبة والزمالة تتأرجح أو تترجح بين فئتين صالحة وسيئة والمرء على خلق من يصحب كما أخرج أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة مرفوعا الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال الأول عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي وقال الآخر أي الطيور على أشكالها تقع عباد الله إذا علم هذا فإن لكل إنسان صحبة ومن لم يكن له صحبة من الإنس فله صحبة من الجن ولهذا على المرء أن يختار الصحبة الصالحة التي تدله على الخير وتحثه عليه وتنفره من الشر وتحذره منه إن قرين السوء له أضرار كثيرة منها أنه يقود صاحبه إلى النار كما قال تعالى في سورة الصافات فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون فناداهم ملك من الملائكة فقال لهم قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآهم في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين يقول لولا فضل ربي علي بعدم صحبتك لكنت من أهل النار وقال تعالى احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وأزواجهم يعني نظائرهم، قال تعالى: وإذا النفوس زوجت. وقد ثبت في الصحاح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم فقال: المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه قال: إني لأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وأرجو أن الله يبعثني معهم وإن لم أعمل كعملهم. عباد الله، إنما مضى من الآيات والآثار دال على أن المرء يحشر مع أصحابه في الدنيا، بل يكون في درجتهم، ولهذا يتعين على المرء أن يختار من يصحبه في الدنيا لأنهم أصحابه في الآخرة. ومن أضرار صحبة السوء ما أخرجه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عم، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، وأبو جهل وعبد الله يعاوذانه بتلك المقالة. فقال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ففي هذه القصة عبرة لكل معتبر، وهذا أبو طالب أثر عليه أصحاب السوء حتى مات على الكفر، وصارت النار مستقره وبئس القرار. وعلى العكس، فالصحبة الصالحة تقود بصاحبها إلى الجنة. أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن غلاما يهوديا كان يضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه ويناوله نعليه، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه فسكت أبوه، فأعاده عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى أبيه، فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أخرجه بي من النار. عباد الله، قد يغتر العبد ببعض أهل الشر فيصحبه، ولكنه سيندم، وذلك حين لا ينفع الندم. نعم، لا ينفع الندم، لأنه عاين العذاب، كما قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فمن أراد أن لا يندم في الآخرة فليحسن الصحبة في الدنيا، فلا صحبة تنفع يوم القيامة إلا لأهل التقى. يقول تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. عباد الله، إننا في زمن من قل فيه الصاحب الناصح وكثر فيه البطالون أهل المصالح الدنية، ولهذا كان لزاما على المرء أن ينتقي له ولأولاده الصحبة الصالحة. أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة. قال ابن حجر: المعنى لا تجد في مئة إبل راحلة، يعني تصلح للركوب، لأن الذي يصلح للركوب ينبغي أن يكون وطيئا سهل الانقياد. وكذا لا تجد في مئة من الناس من يصلح للصحبة بأن يعاون رفيقه ويلين جانبه. عباد الله، إن كثيرا من الآباء يهمل تفقده أبنائه ولا ينظر مع من يذهبون ولا من يقصدون، ولهذا تجد الخلل الواضح في التربية والبون الشاسع بين الآباء والأبناء في التعامل والجفوة بينهم. وبعض الآباء يتفقد أبناءه ويتعرف على أصحابه ولكنه ينسى نفسه، فيصحب الأشرار والمجرمين، فيفرط إما في حق الله أو في حقوق الناس، بل إنه لا يصحب أقواما لو صحبهم ابنه لنهاه عنهم. عباد الله، لقد ضرب المصطفى صلى الله عليه وسلم للجليس الصالح وللجليس السوء مثلا عظيما، كما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. فهذا مثل عظيم بيّن فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم حال صاحب السوء وصاحب الخير. فصاحب السوء لا يخرج عن أحد هذه الأمور، إما أن يحرق ثيابك وذلك بفتنتك على معصية أو إيقاعك في المشاكل، أو وإن لم يحصل ذلك فلا أقل من أن تجد منه ريحا خبيثة، وذلك بالسمعة السيئة التي تستكسبها بين الناس من جراء رؤيتهم لك معه. وإن للصاحب الصالح فوائد عظيمة، ومنها أنه يذكرك إذا نسيت، ويقومك إذا اعوججت، ويحفظ عليك عورتك، ويرفأ من خلتك، ويزدي لك النصيحة دائما أبدا. ألا فليراجع كل منا نفسه فينظر إلى أصحابه هل فيهم من يفعل ذلك، فإن وجد فليعض عليه بالنواجذ، وإن قدر أنه عدم الجليس الصالح فليعتزل الناس، فالعزة خير من رفيق السوء. ولهذا أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم المسلم في آخر الزمان عند فساد أمره أن يعتزل الناس ويعبد الله في شعب من الشعاب. أخرج البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر ويفر بدينه من الفتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteur d'Allah, préservez-vous d'Allah. Et souvenez-vous que Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain de manière à ce qu'il soit toujours avec les autres, et qu'il ait besoin de compagnons, qu'il ait besoin d'amis, qu'il ait besoin de gens qui l'entourent. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé de cette façon, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith que les âmes, elles sont comme des régiments enrégimentés. C'est-à-dire, avant que les âmes entrent dans leur corps, dans ce bas monde, hein, elles sont comme dans des régiments, comme dans des armées enrégimentées. Et il a dit, celles d'entre elles qui se reconnaissent, elles se rapprochent. Et celles d'entre elles qui ne se reconnaissent pas, elles s'éloignent les uns des autres. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que le croyant, c'est celui qui aime être avec les gens, et celui qui n'aime pas être avec les gens, et que les gens n'aiment pas être avec lui, eh bien, il n'y a pas de bien dans celui-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne également dans un autre hadith, il dit, celui qui se mélange avec les gens et qui endure leur mal, il est meilleur que celui qui ne se mélange pas avec les gens et qui n'endure pas leur mal. Donc, le croyant, il n'est pas celui qui s'écarte de tout le monde et qui se mélange avec personne et qui ne fréquente personne et qui n'a pas d'amis, qui n'a pas de compagnons. Mais en même temps, le croyant, il va faire attention aussi dans le choix de ses compagnons. Parce que, comme on dit même en français, et ça c'est un dicton, et je pense peut-être qu'il existe dans toutes les langues, qui se ressemblent s'assemblent. Et si tu as un compagnon qui est mauvais, eh bien ça va avoir une mauvaise influence sur toi, et ça risque même de t'amener vers l'égarement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qui est très important, il dit, Al-Rajul ala dini khalilihi. L'homme sera sur la religion de son bon compagnon. Hein? Celui qui est son meilleur ami, son proche, hein, ami. Il va être sur la même voie que lui. S'il est bien guidé, il sera bien guidé. S'il est sur la sunna, il va être sur la sunna. S'il est dans le kufr, il va être dans le kufr. Et s'il est sur la bid'a, il va être dans la bid'a. Choisis le bon compagnon. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, فَلْيَنْظُرْ أَيُّكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. Faites attention, regardez bien qui est-ce que vous allez prendre comme compagnon. Et ça c'est surtout vrai à partir de l'adolescence. Parce qu'à l'adolescence, souvent les amitiés qu'on forge à cette époque-là ou à cet âge-là, c'est celles qui durent par la suite le restant de notre vie. Et donc à ce moment-là, il faut faire beaucoup d'efforts. Il faut faire très attention de ne pas fréquenter des personnes qui peuvent nous influencer négativement, nous éloigner d'Allah, nous éloigner du rappel d'Allah, nous éloigner de l'obéissance d'Allah et nous rapprocher du péché, de la désobéissance, de l'innovation et des égarements et des fausses croyances et de tout ce qui peut nous amener vers l'enfer. Et donc le croyant, par exemple, il ne va pas prendre comme compagnon ou comme ami un kafir qui rejette la foi en Allah et qui désobéit à ses ordres, et qui est fier de désobéir à ses ordres, et qui se vante de faire des péchés, et qui est heureux de désobéir à Allah. Si le croyant prend une personne comme ça comme ami, si la musulmane, elle prend une fille comme ça comme ami, eh bien, elle se dirige vers sa perte. Au lieu de se diriger vers la mosquée, elle va se diriger vers les endroits de péché. Et le résultat, c'est qu'ils seront ensemble dans l'enfer par la suite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, il a donné l'exemple de certaines personnes, une fois qu'ils seront réunis dans l'au-delà, dans le paradis. Et dans Surat As-Saffat, il donne l'exemple d'une personne qui dit, lorsqu'il parle d'une des personnes qu'il connaissait dans le bas monde, hein, dans la vie présente, quand il était dans la dunya, il dit, si j'étais avec cette personne, j'aurais certes été parmi les gens de l'enfer. Et alors qu'il est dans le paradis, il va regarder en bas, il voit les gens qui sont dans l'enfer et il regarde la personne en question qui était pour lui justement une source d'égarement ou un mauvais compagnon. et il le regarde et il dit, certes, si je t'avais suivi, si je t'avais pris comme compagnon, j'aurais été avec toi maintenant dans l'enfer. Tout ça, c'est pour nous donner des leçons et pour nous faire réfléchir de bien choisir les personnes avec qui on se tient, les personnes qu'on prend comme amis et comme compagnons. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne également dans le Coran des versets dans lesquels il explique que les gens, au jour de la résurrection, seront ressuscités avec les gens qui sont comme eux. C'est-à-dire les gens qui se ressemblent vont être ressuscités ensemble. Donc les gens du bien seront ressuscités ensemble et les gens du mal seront ressuscités ensemble. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les gens lui ont posé la question à propos de celui qui aime Allah et qui aime son messager et qui aime les sahaba, Abu Bakr, Omar et Uthman et les sahaba, hein, même s'il n'arrive pas à les rejoindre dans leur degré, dans leur foi, dans leurs actions, dans leur piété, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, les gens seront avec ceux qu'ils aiment. C'est-à-dire que même si tu n'arrives pas à les atteindre dans leur degré, dans leur piété, dans leur foi, mais du fait que tu as de l'amour pour eux et que tu les aimes en Allah, eh bien tu vas pouvoir les rejoindre à cause de cet amour-là, parce que tu vas être ressuscité avec ceux que tu aimes. Donc celui qui est avec les croyants dans son cœur et il aime les croyants avec son cœur, il est sincère envers Allah et il aime la foi, il aime les gens de la foi, il va être ressuscité avec eux. Tandis que celui qui aime les koufars, aime les mouchriquins, aime les gens de l'égarement et qu'il n'a dans son cœur que de l'approbation et du respect et de l'amour pour tout ce qui est contraire à l'islam et ceux qui défendent le kufr et le shirk, eh bien, il sera ressuscité avec eux aussi. Alors, fais attention à qui tu aimes. Et essaie de surveiller ton cœur pour que dans ton cœur, il n'y ait pas d'amour justement pour ceux que Allah déteste, mais qu'il y ait dans ton cœur l'amour pour ceux que Allah aime, pour que tu puisses être ressuscité avec eux au jour de la résurrection. Et regardez un exemple de quelqu'un qui avait un mauvais compagnon. L'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, au moment de sa mort, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est venu le voir, il était entouré avec Abu Jahl, et il était entouré avec Ibn Abi Umayya. Alors les deux, ils étaient là, en train de l'appeler au shirk, alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui disait, dis la ilaha illallah, dis que rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah, je vais argumenter en ta faveur, devant Allah au jour de la résurrection. Et il a dit la ilaha illallah, accepte l'islam. Et les deux autres parmi les mouchriquins qui lui disaient, est-ce que tu vas laisser la religion de ton grand-père ou de ton père et de tes ancêtres, la religion du shirk et des idoles? Et finalement il a dit, avant de mourir, je reste sur la religion de Abdul Muttalib. Donc voyez l'effet des mauvais compagnons. Comment ces gens-là peuvent avoir un impact mauvais et négatif sur la vie d'une personne et sur son sort dans l'au-delà aussi. Donc c'est très important de faire attention à ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a même souhaité demander pardon à Allah pour son oncle. Il a dit, je vais demander à Allah pardon jusqu'à ce que je sois interdit de le faire. Puis Allah a révélé le verset. Il n'est pas permis aux prophètes, ni aux croyants, de demander pardon pour les mouchriquins, même s'ils sont des proches parents, une fois qu'il a été clair que ce sont des gens de l'enfer. Donc tout ça pour dire que le croyant, il doit vérifier et faire attention à qui il prend comme compagnon. Il y avait un jeune juif qui venait souvent porter l'eau au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il fasse son oudou. Et il lui mettait ses sandales pour qu'il mette dans ses pieds. Et un jour, il est tombé malade. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir. Et son père était à côté de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, « Dis la ilaha illallah. » Alors il a regardé son père. Et son père lui a dit, « Obéis à Abul Qasim, » c'est-à-dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le jeune a dit, « أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. Je témoigne que Allah, rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Et je témoigne que tu es le messager d'Allah. Et donc, il est mort sur l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, louange à Allah qui l'a sauvé par moi. Par sa grâce, par la grâce d'Allah, Allah a envoyé son messager à cet homme-là pour qu'il meure sur l'islam. Et il y a beaucoup d'exemples aussi que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran. Le jour où les hommes vont regretter d'avoir parfois pris certaines personnes comme compagnons, et comme Allah dit dans Sourate Al-Furqan, et le jour où l'injuste mordra sur ses doigts, il va mordre ses doigts en disant, si seulement j'avais pris le chemin du messager, si seulement je n'avais pas pris un tel comme compagnon, il m'a égaré du rappel après que le rappel me soit venu. Donc tout ça c'est pour mentionner l'importance de bien choisir ses compagnons. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'au jour de la résurrection, il n'y aura pas de compagnon ou d'amitié qui pourra t'aider ou être profitable pour toi et qui va rester, excepté si c'était une amitié basée sur la foi et sur la piété. Et c'est pour ça qu'il dit « Al-Akhillah ». Al-Akhillah, c'est le pluriel de « Khalil ». Al-Akhillah, c'est-à-dire les bien-aimés, les bons amis. Ce jour-là, ils deviendront ennemis les uns des autres. Les bons amis, au jour de la résurrection, deviennent ennemis les uns des autres au jour de la résurrection. Pourquoi? Parce qu'ils se blâment les uns les autres. C'est ta faute si je suis là. C'est ta faute si je vais en enfer. C'est toi qui m'as égaré. C'est toi qui m'as éloigné du droit chemin. Excepté les pieux. Les pieux, eux, ils se blâment pas les uns les autres. Au contraire. Ils se félicitent les uns les autres, ils sont heureux et ils s'encouragent les uns les autres, ils sont contents parce qu'ils se sont encouragés les uns les autres dans la piété, dans la foi. Et c'est ça la récompense pour toute personne qui s'accroche à la vérité. Et donc il faut faire des efforts, surtout à notre époque, de rester ferme, de rester accroché sur la foi et de bien choisir. De bien choisir ses compagnons. De la même manière, que quelqu'un, il choisit les fruits quand il achète des fruits au magasin. Qu'est-ce qu'il fait quand il choisit ses fruits? Il va pas prendre ceux qui sont avec des taches ou des pourritures ou des fruits qui ont été mangés par des animaux ou des insectes ou des fruits qui ne sont pas frais. Il va choisir les meilleurs fruits, ceux qui ont l'air les meilleurs, les plus frais, les plus mûrs. Eh bien, de la même manière, tu choisis tes compagnons, tu choisis tes amis. Que ce soit un musulman ou que ce soit une femme musulmane, elle va pas accepter de faire rentrer dans son cercle d'amitié personne excepté quelqu'un qui est sur la foi et la piété et qui craint Allah et qui se rapproche d'Allah. Des gens qui s'éloignent du péché et qui va pas l'encourager à faire le mal, qui va pas l'encourager à écouter de la musique, qui va pas l'encourager à fumer, qui va pas l'encourager à boire de l'alcool, qui va pas l'encourager à regarder des choses haram, qui va pas l'encourager à sortir dans des endroits haram ou aller dans des endroits où les gens font des péchés, mais il va s'encourager avec les gens de la piété qui veulent vivre dans l'obéissance d'Allah et qui veulent craindre Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.